Comment Napoléon a combattu les races dégénérées? Vous vous souvenez peut-être que dans son roman satirique intitulé « La ferme des animaux », George Orwell a choisi de prénommer Napoléon le cochon qui, dans cette fiction, avait pris le pouvoir. Orwell ne savait sans doute pas que cette critique ironique des pratiques autoritaires de notre empereur aurait pu être lue comme une sorte d'hommage involontaire. Napoléon Ier a joué, en effet, un rôle essentiel dans la mise en place de ce que les historiens appellent la politique de l'animal domestique. En guerre contre la plupart des autres puissances européennes, il souhaitait que la France soit capable de produire toutes les ressources dont elle avait besoin dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Les agronomes et les vétérinaires les plus éminents de l'époque furent donc invités à rejoindre le bureau de l'agriculture, qui dépendait alors du ministère de l'Intérieur, pour trouver des moyens de stimuler la production nationale. Ces experts furent unanimes pour affirmer qu'en matière d'élevage, le retard de la France s'expliquait parce que les races indigènes étaient toutes dégénérées. Preuve que la science est parfois contaminée par l'idéologie, le thème de la dégénérescence avait été fabriqué par les élites révolutionnaires. Leur but était en effet de régénérer le peuple français aliéné par plus de 1000 ans de pouvoir monarchique. Après les citoyens, il fallait donc régénérer les races animales. Les experts se focalisèrent sur le mouton, car on avait constaté depuis longtemps que les espèces ovines élevées en France ne donnaient que des laines grossières et en petite quantité. Ce qui obligeait les fabricants de draps de qualité à importer les laines superfines des mérinos d'Espagne. Sous le directoire et le consulat, la recherche scientifique devint une affaire d'État. Les expérimentations visant à régénérer la race ovine débutèrent dans une ferme que Louis XVI avait acquise en 1785 et qui devint la bergerie nationale de Rambouillet. Plusieurs structures du même type furent inaugurées dans d'autres régions de France au cours de cette période. Les résultats de ces travaux, diffusés dans la littérature agronomique, alimentèrent les instructions officielles du gouvernement. Étant donné que le mérinos d'Espagne était considéré comme une race pure, ce genre de mouton fut au centre d'une politique animalière qui débuta par une gigantesque migration d'animaux étrangers qui venaient souvent des territoires occupés par les troupes révolutionnaires puis impériales. Il fut alors décidé que, pour éviter de dégénérer la race, aucun bélier indigène, ni même un bélier métis, ne devait être accouplé avec une brebis mérinos. Seules les brebis indigènes seraient saillies par un bélier mérinos. Après plusieurs années d'expérience, l'inspecteur général des bergeries impériales put annoncer avec fierté que les mérinos espagnols s'étaient acclimatés dans notre pays. C'est la race et non le pays d'où elle vient qu'il faut uniquement considérer, affirma alors cet expert, en oubliant de préciser que ce qui était sans doute vrai pour les moutons ne l'était pas pour les êtres humains.